Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 5. De l'union quant aux diverses parties de la nature humaine. Le Christ a dû prendre un corps véritable, non céleste, mais terrestre, une chair véritable, une âme véritable, une intelligence du même genre que la nôtre. 1. Le Fils de Dieu a-t-il pris un vrai corps? Saint Augustin disait avec raison, si le corps du Christ a été un fantôme, le Christ a trompé, s'il a trompé, il n'est pas la vérité. Le Fils de Dieu a eu un corps véritable, trois raisons le prouvent. La nature humaine exige un vrai corps. Or, nous l'avons dit, il a été convenable que Dieu prît la nature humaine, donc le corps du Christ était véritable. Sans un vrai corps, le Christ n'aurait pas véritablement enduré la mort, tout ce que les évangélistes en racontent ne se serait passé qu'en apparence, il n'aurait pas réellement sauvé les hommes. Enfin, il ne convenait pas à la dignité du Verbe incarné, qui est la vérité même, d'avoir recours à la fin dans ses actions. Notre Seigneur écarta lui-même cette pensée. Quand ses disciples, troublés, croyaient avoir un esprit au lieu d'un vrai corps, il se fit toucher, en disant, « Touchez, et voyez vous-même, car un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Luc 24, 39. Note. Si le Christ n'avait eu qu'une chair fantastique, l'apôtre n'aurait pas pu dire, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Que, dans l'Ancien Testament, les apparitions n'aient eu lieu qu'en apparence, cela se conçoit, elles n'étaient que des figures. Le Fils de Dieu, leur réalité, a dû se faire voir dans un vrai corps, c'est ce que saint Paul exprimait ainsi, toutes ces figures étaient l'ombre des choses futures, mais le Christ en est le corps. Colossiens 2, 17. Fin de la note. 2. Le Fils de Dieu devait-il prendre un corps terrestre, c'est-à-dire formé de chair et de sang? Notre Seigneur a dit, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. Luc 24, 39. De même que la nature humaine ne serait pas véritable dans le Christ, si, comme l'a supposé Manès, le corps qu'il a pris était fantastique, elle ne le serait pas davantage si ce corps était céleste, comme l'enseignait Valentin. D'abord, la nature humaine exige pour matière déterminée, la chair et les os. Ensuite, avec un corps céleste, le Christ n'aurait pas pu éprouver réellement la faim et la soif, ni endurer les souffrances et la mort. La réalité des actions accomplies dans son corps aurait été évidemment atteinte. De plus, il s'est montré aux hommes comme ayant un corps charnel et terrestre. Une telle conduite eût été trompeuse, s'il avait eu un corps céleste. De là ce que nous lisons dans les dogmes ecclésiastiques, le Fils de Dieu est né en prenant une chair du corps de la Vierge, et non une chair apportée du ciel avec lui. 3. Le Fils de Dieu a-t-il pris une âme? Arius, et ensuite Apollinaire, disaient que, tenant lieu d'âme à la chair, le Verbe avait pris la chair sans âme. Cette doctrine a d'abord contré l'autorité de la Sainte Écriture, où notre Seigneur parle de son âme en ces termes, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Matthieu 26, 38. « J'ai le pouvoir de quitter mon âme. » Jean 10, 18. Ces paroles ne doivent pas être prises dans un sens figuré, comme le prétendait Apollinaire, les évangélistes rapportent que Jésus éprouva de l'admiration, de la colère, de la tristesse, et qu'il eut faim, ce qui montre qu'il avait une âme véritable. En second lieu, une telle erreur enlèverait à l'incarnation son utilité, à savoir la délivrance de l'homme. Nous demandons, disait saint Augustin, dans quelle vue le médiateur aurait omis l'âme en prenant un corps? A-t-il cru qu'elle était innocente et qu'elle n'avait pas besoin de guérison, ou bien, la jugeant incurable, a-t-il renoncé à la guérir? A-t-il pu ignorer que, des deux substances qui composent notre être, elle est la plus précieuse, et qu'elle a été la plus coupable dans la transgression première, à raison de son intelligence? Le Christ est très sage et très miséricordieux, sa sagesse l'a empêché de négliger la meilleure substance, celle qui est capable de sagesse, et sa miséricorde l'a porté à s'unir à elle, parce qu'elle avait été plus profondément blessée. Troisièmement, cette hérésie irait jusqu'à détruire la vérité de l'incarnation, puisque l'âme détermine en nous la nature humaine. 4. Le Fils de Dieu a-t-il dû prendre l'intelligence humaine? Le Christ, dit saint Augustin, a fait voir qu'il avait une vraie chair, en disant, touchez et voyez, car un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. Il a montré qu'il avait une âme par ses paroles, je quitte mon âme et je la prends de nouveau. Il a prouvé qu'il y avait dans cette âme une intelligence, lorsqu'il a dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Les apollinaristes, vaincus, prétendirent que si l'âme du Christ existait, elle n'avait pas d'intelligence, le Verbe lui-même lui en tenant lieu. Cette erreur se réfute par les mêmes raisons que la précédente. Elle contredit la narration évangélique, où nous voyons que le Christ éprouva de l'admiration. Elle anéantit l'utilité de l'incarnation. L'intelligence seule rend l'âme humaine capable de pécher et de recevoir la grâce sanctifiante. Elle détruit la vérité de l'incarnation. Qu'est-ce qu'une chair qui n'est pas unie à une âme raisonnable, si ce n'est la chair d'un animal, et non une vraie chair humaine? Or dire que le Fils de Dieu s'est uni le corps d'un animal sous la figure du corps humain, c'est nier la véracité divine. Donc le Verbe a pris l'intelligence humaine. Note. On dira peut-être qu'une lumière plus brillante obscurcit celle qui l'est moins, que, d'ailleurs, le Verbe de Dieu, la lumière de tout homme, venant en ce monde, n'avait nulle raison de prendre l'intelligence humaine, qui est comme un flambeau allumé à sa lumière même, selon cette parole, l'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur. Proverbe 20, 27. Une lumière plus brillante perfectionne, au contraire, celle que reçoit un corps déjà éclairé par elle, elle n'éteint que la lumière d'un autre corps qui lui est étranger. Si le soleil, par exemple, obscurcit les étoiles, il fait mieux éclater la lumière répandue dans l'air. D'après la même loi, l'intelligence humaine, flambeau allumé à la lumière du Verbe divin, loin de s'éteindre à son approche, a dû être perfectionnée. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.